Chapitre 13. Un mois se passa. M. de Lalonde ne faisait plus que de rares apparitions chez les Moret et le comte crut, en le voyant se retirer ainsi peu à peu, qu'en même temps qu'on l'avertissait que sa femme le trompait, on avait dû l'avertir elle aussi que son mari avait des soupçons. M. Moret ne doutait plus à présent que le domino ne fût l'aréole. Il le savait capable de toutes les canailleries, et il supposait qu'il avait, en le prévenant, voulut se venger de l'impertinence de Josette. La vérité est qu'André s'éloignait de ses anciens amis parce que chaque jour il s'attachait davantage à Madame de Guibray. L'austérité de mœurs de la jeune femme, son attitude réservée dans le monde, lui faisait apprécier d'autant plus l'étrange abandon qu'elle lui avait fait de sa personne. C'était cette réserve pudique, si différente du laisser-aller de Josette, qui avait attiré l'attention de M. de Lalonde sur la marquise. Être aimé d'un tel ange lui avait paru désirable autant qu'impossible. André n'avait, à 37 ans, aucune expérience des femmes. Grave, sérieux, avec la dose d'ambition nécessaire pour arriver, il s'était jusqu'à ce jour occupé beaucoup de ses affaires et pas du tout de ses plaisirs. Toujours au loin, il n'avait connu, selon la spirituelle définition de Dumas, que les amours de table d'hôte, mangeant du plat que lui passait son voisin de droite et le passant à son voisin de gauche. Les femmes étaient à ses yeux des êtres nuls, qui ne valaient pas la peine d'être étudiés. À son retour, la vue de Josette bouleversa toutes ses idées. Il crut l'aimer et fut sincère en le lui disant. Puis Madame de Guibray, souvent rencontrée chez la comtesse, l'avait insensiblement captivée. Près d'elle, il était craintif et timide comme un débutant, et devant cette auréole de vertu, il sentait s'évanouir ses préjugés sur les femmes. Fine comme une mouche, et ayant d'ailleurs acquis une grande expérience des choses d'amour, Mercédès devina bien vite la violente admiration qu'elle inspirait. Convertir en passion cette admiration fut pour elle un jeu, qu'elle croyait sans danger. Quoique n'ayant plus besoin des hommes, elle aimait toujours les avoir à ses pieds. Mille petits manèges qu'André ne soupçonna pas le rendirent éperdument amoureux. En valsant, elle lui effleurait le visage de ses cheveux parfumés. Lorsqu'elle se promenait à son bras dans un salon, elle ne s'appuyait jamais à ce bras, mais tandis qu'elle semblait s'en éloigner, elle faisait en sorte de le frôler de sa poitrine ferme, doucement soulevée par une respiration régulière et calme comme celle d'un bébé endormi. À ce jeu, la marquise s'était prise elle-même. Un soir qu'elle chantait et que M. de Lalonde, debout derrière elle, tournait les pages, elle le devina ému, tremblant, profondément remué par cette voix admirable dont elle connaissait si bien le pouvoir. L'idée de l'affoler complètement lui traversa l'esprit et, au moment où André s'inclinait vers le cahier pour lire au bas de la page les dernières notes, elle étendit vivement la main, attirant à elle la branche de cuivre qui supporte la bougie. Dans ce mouvement, son bras nu s'appuya contre la bouche entrouverte de M. de Lalonde, qui frémit et referma brutalement ses lèvres sur la peau blanche et satinée qui s'offrait ainsi à lui. Lorsque Mercédès le regarda, de son beau regard ingénu chargé de reproches, elle le vit très pâle, mais elle constata avec inquiétude qu'elle-même était impressionnée. Elle acheva difficilement l'Ave Maria qu'elle chantait, sa voix tremblait, et elle sentait renaître un frisson depuis longtemps oublié. Mercédès était allemande, c'est-à-dire incapable de résister à un caprice des sens, et positivement, elle trouvait que ce garçon sauvage et sérieux avait un je ne sais quoi qui lui plaisait fort. L'important était que M. de Guibray ne se doutât de rien, et qu'il lui laissa pendant quelque temps une liberté relative. Après tout, il ne serait pas éternel, cet amour. Elle écrivit à sa soi-disant mère adoptive, qui aussitôt annonça son arrivée à Paris. Elle venait passer le carême près de ses chers enfants. Dès qu'elle fut là, la surveillance de M. de Guibray se relâcha. Il cessa d'accompagner sa femme aussi régulièrement que par le passé. La vieille espagnole lui était antipathique, et il trouvait Mercédès suffisamment gardée par sa mère pour aller à l'église ou au bois. Quelques dissentiments s'élevèrent cependant dans le ménage. Le marquis, voyant rentrer sa femme pâle, les yeux cernés, le regard fiévreux, déclara qu'il était absurde de rester aussi longtemps à l'église, qu'elle allait tomber malade et que d'ailleurs à Paris, le carême ne s'exagérait pas comme en Espagne. Mercedes, tremblant de voir compromise la tranquillité de ses sorties, pleura et supplia son mari de lui laisser accomplir ses devoirs religieux comme elle l'entendait. Elle avait promis au père de chanter aux offices à leur chapelle. Elle ne pouvait les laisser dans l'embarras du jour au lendemain. Devant le chagrin de la jeune femme, M. de Guibray céda comme toujours, d'autant plus qu'il reconnaissait les bons côtés de cette religion exagérée. Quelques jours plus tard, par un après-midi de soleil, il eut l'idée d'aller attendre Mercedes à la porte de la chapelle des Pères, afin de l'emmener au bois avant le dîner. Surpris de ne pas la voir défiler à la sortie, il arrêta Madame de Villefranche et Madame Hart, qui lui dirent que sa femme était peut-être au salut, mais qu'à coup sûr elle n'avait pas chanté. Vaguement inquiété par un sourire narquois de Madame Hart, il questionna de nouveau. Est-ce que Mercedes ne chantait plus à tous les saluts? Ces dames répondirent sans rien dire de précis, comme savent seuls répondre les Normands et les femmes. Le marquis n'osa pas insister et retourna chez lui, où il attendit anxieusement le retour de Mercedes. Lorsque la marquise rentra, suivie de sa mère, M. de Guibray lui demanda pourquoi elle n'était pas allée chez les pères. Au premier abord, elle fut saisie et resta un instant interdite, mais sa physionomie impassible ne trahit rien de ce qui se passait en elle. Elle se remit vite et répondit « Écoute, c'est toi qui es en cause. Tu semblais désirer me voir prendre l'air. Je suis allé au bois. » « Mais cette promesse de chanter à laquelle tu ne pouvais manquer, » fit observer M. de Guibray. Astucieuse et finaude, l'Allemande devina que son mari avait dû se renseigner et qu'il était peut-être instruit de son absence de la chapelle. Elle reprit d'un air doux et contrit. « Eh bien, j'aime mieux t'avouer la vérité. » Moins naïf et surtout moins épris, le marquis eut, rien qu'à cet exorde, flairé le mensonge. La jeune femme continua. « Voilà, tu avais raison. Depuis quelques jours, je ne suis pas très bien. Il est possible que le carême... « Parbleu, des stations de 3 heures, dans des églises froides, sans air. »« Non, c'est plutôt le maigre, » dit-elle vivement, ne voulant pas renoncer à ses sorties. Cependant, elle les défendait mollement cette fois. Son caprice assouvi, elle se lassait peu à peu de l'amour honnête et respectueux de M. de Lalonde. Ce qui l'avait séduite au début lui paraissait à présent bien fade. La retenue de cet amant, craintif de lui déplaire, l'irritait sourdement, et le jour était prochain où elle le prendrait en grippe. Telle qu'elle avait aimé, elle ne s'était pas aperçue des dangers que cette liaison lui faisait courir. Ces dangers lui apparaissaient aujourd'hui en masse. La jalousie de son mari éveillé, sa réputation compromise, qui sait si quelqu'un n'avait pas découvert leur rendez-vous. Peut-être aussi M. de Guibray allait-il à l'avenir la suivre, l'espionner. Mercedes connaissait mal l'âme droite et simple du marquis. L'explication, lui paraissant toute naturelle, l'avait pleinement rassurée, et regardant le candide visage de la jeune femme, il lui demandait intérieurement pardon d'avoir osé la soupçonner. Le lendemain, Mme de Guibray se décida à rompre avec André. Elle lui écrivit qu'elle ne pouvait aller le retrouver, que son mari avait été la chercher à la chapelle où elle n'était naturellement pas, avait paru surpris et qu'il fallait par prudence rester quelque temps sans se voir. Le jour où elle reçoit, Madame de Guibray vit arriver André bouleversé par cette idée de séparation, plus fou et plus amoureux que jamais, la suppliant de ne pas le rendre malheureux. Il ne pouvait vivre sans elle, il en mourrait. Mercedes comprit que la situation allait devenir très tendue. Elle n'aimait décidément plus M. de Lalonde, dont l'exaltation lui semblait ridicule et d'un goût détestable. Sa première pensée fut de congédier brutalement ce gênant adorateur. Elle se souvint qu'autrefois, elle excellait à ce genre d'exécution. Mais André lui sembla si agité que, craignant une sérieuse résistance, elle opta pour la douceur. Alors elle se fit chatte et le supplia à son tour. Si son mari avait une certitude, il la tuerait, il l'en avait averti. Depuis l'histoire de la chapelle, elle s'apercevait qu'il la suivait ou la faisait suivre quand elle sortait avec sa mère. Du reste, il aurait toujours fallu renoncer dans quelques jours aux chers après-midi passés ensemble. Le concours hippique allait commencer et M. de Guibray l'y emmenait régulièrement. Il était impossible de trouver un prétexte pour ne pas l'accompagner. Elle recommanda surtout à André de n'avoir pas l'idée d'écrire. Le marquis ouvrait toutes ses lettres. L'arrivée d'une visite, à laquelle plusieurs autres succédèrent, força M. de Lalonde à partir sans avoir obtenu le rendez-vous tant souhaité. Il partit horriblement malheureux, et sa passion s'accrut encore. C'est en étant privé de la marquise qu'il comprit à quel point il l'aimait. Il se rendit alors dans tous les endroits de réunion où il savait la rencontrer, s'attachant à ses pas, la dévorant des yeux et ne laissant personne approcher d'elle. On commença à remarquer ses singulières allures et on plaisanta à mots couverts Mercedes sur son féroce amoureux. Ses plaisanteries l'exaspérèrent. Il ne lui convenait pas qu'on effleurât même en riant sa réputation immaculée. Il fallait à tout prix qu'elle se débarrassât d'André. Mais comment? Il ne voulait rien entendre. Vainement, elle le suppliait, à chaque nouvelle rencontre, de s'éloigner, de ne pas compromettre son repos. Il promettait tout ce qu'elle voulait, se sauvait désespéré, et quelques instants plus tard, elle le retrouvait auprès d'elle, lui murmurant à l'oreille qu'il l'adorait. Et son mari qui ne voyait rien? L'imbécile! Jaloux de ceux qui ne s'occupaient pas d'elle, il laissait en paix son amant lui parler d'amour sous son nez. Elle pensa que le plus sûr moyen d'éviter des poursuites, devenues à présent odieuses, était d'avertir M. de Guibray. Non en lui disant la vérité, mais en lui faisant entendre seulement qu'André s'était permis de lui dire qu'il l'aimait. Elle connaissait le fanatisme jaloux du marquis, elle savait ce qui résulterait de cette dénonciation. Elle tenta une dernière fois de convaincre M. de Lalonde que son mari avait des soupçons. Elle voulait le préparer à la provocation qu'elle attendait, afin qu'il ne se doutât pas que le coup venait d'elle et que toute explication entre les deux hommes fût évitée. André, désespéré, s'écria que tout lui était égal, que si M. de Guibray la chassait, il l'emporterait dans ses bras au bout du monde. Enfin, toutes les sottises que pourrait dire un amoureux de 20 ans. La marquise vit qu'il était fou. Ce genre de folie ne lui parut pas inoffensif et le jour même, elle parla à son mari. M. de Guibray resta impassible. Il ne blâma pas même l'audace d'André. Mais le trouvant le lendemain au concours hippique installé près de la marquise, il lui dit brutalement, sans toucher son chapeau, « Allez vous asseoir ailleurs, je vous prie. » Et comme M. de Lalonde, stupéfait, croyait avoir mal entendu, il reprit, désignant à sa gauche la tribune des cocottes. « Là, vous serez à votre place. » André blêmit et se levant. « Il suffit, c'est une querelle que vous cherchez. »« Ça m'en a tout l'air, » répondit M. de Guibray, dont la voix s'étranglait. « C'est bien, » dit André. Il s'éloigna en saluant respectueusement la marquise. Appuyé à quelques pas contre la balustrade de la piste, le comte de Brixen avait suivi la scène avec intérêt. Au moment de sortir du palais de l'industrie, M. de Lalonde rencontra l'oncle Jean et le mit au courant de ce qui venait de se passer. « Allons, bien, » fit M. de Scaer. « C'est à cause de Mme de Guibray, n'est-ce pas ?»« Je compte sur toi, » dit André sans répondre. « Tu choisiras comme second qui bon te semblera. »« Veux-tu mon neveu ?»« Ça m'est égal. » Je vous attendrai chez moi tout à l'heure après le concours. C'est entendu. Rentré chez lui, André pensa à Mercedes. L'idée de son désespoir le navrait. Elle allait peut-être s'échapper sous un prétexte quelconque, venir lui dire adieu. Il se prit à espérer vraiment sa venue, à tel point que lorsqu'il entendit résonner le timbre, il s'élança, convaincu qu'il allait la trouver. Il fut déçu dans son attente et très surpris en voyant entrer le comte de Brixen, suivi de M. de la Fère, de l'oncle Jean et de M. Moret. « Monseigneur, » balbutia-t-il. Le prince royal, habituellement souriant, semblait très sérieux. « Monsieur, dit-il à André. Un hasard m'a rendu tout à l'heure témoin de votre altercation avec le marquis de Guibray. Je vous ai vu ensuite causer avec M. de Scaer et je me suis permis de le questionner sur le motif de cette altercation. Mais, monseigneur... Pardon, je n'ai pas fini. J'ai prié alors M. de Scaer de vous avertir, de ma part, que vous ne pouvez pas vous battre pour Annie, mais il a préféré m'amener chez vous. Annie, interrogea André tout à fait dérouté. Je veux dire la marquise. Mais alors votre Altesse ignore... Rien. C'est au contraire vous qui ignorez. Vous ne pouvez vous battre avec Guibray parce que de braves gens comme vous ne s'assassinent pas pour une fille. Une fille ? Cria M. de Lalonde indigné. Oui, une misérable fille que je connais bien. Allez. Il ajouta, reprenant le ton léger qui lui est familier. C'est sous notre ciel neigeux qu'elle a conquis ses grades. Vous les confirmez seulement. Demandez à l'affaire de vous raconter cette histoire. Il la sait mieux que moi, par la raison qu'il a connu Annie beaucoup plus intimement. Vous comprenez que moi, là-bas, je suis obligé à une tenue relative. Le décorum veut ça. Pierre de l'affaire raconta brièvement les aventures d'Annie à l'oncle Jean et à M. Moret stupéfait. André, anéanti, semblait ne plus rien entendre. Monsieur de Guibray ne m'a pas moins insulté, dit-il enfin, revenant à lui. Il vous fera des excuses lorsqu'il saura qu'il vous a insulté pour Annie Straubach, répondit le prince. Mon pauvre ami, murmura M. de Scaer, s'adressant à André, c'est une rude déception. Toi qui as tendu prudemment pour aimer, te garant des femmes comme du feu. Les aventures galantes ne te vaudront jamais rien, vois-tu? Tu prends tout ça trop à cœur. Ton affaire à toi, c'est le mariage. Oh, ce pauvre monsieur de Lalonde, que vous a-t-il fait? S'écria le comte de Brixen en riant. Votre Altesse est l'ennemi du mariage? Demanda monsieur Moret. En principe, oui, comte, mais si je rencontrais une femme comme la vôtre, je changerais probablement d'avis. Oh, s'écria étourdiment l'oncle Jean. Ce n'est pas du tout le modèle de Josette qui convient à André. Une femme vive, décidée, violente comme elle n'est pas son fait. Depuis que M. de Scaer parlait, M. Moret observait attentivement André. Il le vit rougir au nom de Josette. L'oncle Jean continua. Non, ce qu'il lui faut, c'est une jeune fille modèle, douce, sérieuse, blonde, aimante et modeste à faire honte aux Violettes. Tenez, un type dans le genre de la petite Ledru. M. Moret tressaillit et se mit à rire. D'un rire qui sonnait faux. Il faut convenir que nous sommes de drôles de témoins. Nous parlons mariage au lieu de parler duel, et pendant ce temps les amis de Guibray attendent. C'est vrai, dit M. de Scaer. Il faut aller, arranger l'affaire. C'est monseigneur que ça regarde. M. Moret secoua affectueusement la main d'André. Il semblait radieux. C'est que depuis un instant il espérait tenir sa vengeance. Pendant les quelques jours qui suivirent la rupture d'André et de la marquise, Paul Moret se montra particulièrement désireux de distraire M. de Lalonde de son chagrin. Sous le moindre prétexte, il venait le chercher aux affaires étrangères ou chez lui, le conduisait au bois et le ramenait dîner aux Champs-Élysées entre sa mère et sa femme. Josette faisait très bon accueil au fils de son tuteur, mais néanmoins, le comte remarqua qu'elle n'était plus avec lui tout à fait comme autrefois. Une sorte de gêne semblait exister entre eux. M. Moret attribua cette gêne à la crainte d'être découvert ou à la jalousie de Josette. Il voyait André trop réellement malheureux pour croire encore que son amour pour Madame de Guibray n'était qu'une feinte. Il pensa qu'en voulant tendre un piège au public, André s'était pris dans ses propres filets et que Josette, instruite de l'aventure du concours hippique, ne pardonnait pas à M. de Lalonde cette tapageuse infidélité. Elle n'avait pourtant plus rien à redouter de Mercedes, qui avait quitté Paris, emmenée dans le Midi par ordre des médecins. Décidément, la belle Espagnole ne pouvait se réchauffer au pâle soleil du Nord. Quelques personnes avaient aperçu ce pauvre Guibray au moment de son départ. Il faisait, disait-on, mal à voir. L'état de sa femme lui inspirait les plus graves inquiétudes. il avait été trop tard averti du danger qu'elle courait en restant à Paris. Le départ des Guibray défraya pendant plusieurs jours la conversation des douairières sensibles. Si le marquis avait le malheur de perdre Mercédès, il ne lui survivrait pas. Dame, ça se comprenait. Cet ange différait tellement de ces femmes évaporées qui donnent au monde le spectacle de leur scandaleuse conduite. Par exemple, si la marquise mourait, son mari aurait la consolation bien grande de la savoir au ciel. Au bout de 15 jours, on ne parla plus de Mercédès, et M. de Lalonde reprit, en apparence, ses habitudes d'autrefois, encouragé par M. Moret qui lui rapprenait le chemin oublié de l'hôtel des Champs-Élysées. Un soir, arrivant de bonne heure, il trouva Mme Moret et Josette seules au salon. « Je viens de recevoir des nouvelles de votre père, » dit la comtesse en lui tendant une lettre qu'elle lisait. À la fin d'une affectueuse et longue causerie adressée à sa pupille, le vieil avoué ajoutait « Je te remercie d'autant plus, mon enfant, de me donner des nouvelles de ce paresseux d'André, que je n'en aurais guère sans cela. Il ne m'accable pas de lettres. Je sais par toi qu'il va bien, et par les journaux qu'il travaille, car j'ai vu hier qu'on a chargé d'un mémoire important M. de Lalonde, l'intelligent et sympathique conseiller d'ambassade. Malgré cette fantaisiste orthographe, je présume qu'il s'agit d'André. Dis-lui de ma part que je ne me plains pas de son silence, un peu excessif pourtant, mais que j'espère en être dédommagé cet été par une longue visite. André replia la lettre et l'attendant à Josette avec embarras. Je ne sais comment lui avouer, comment lui expliquer le changement d'orthographe de ce malheureux nom. Il vaudrait mieux lui dire franchement la chose, observa Madame Moret. André se récria. Mais c'est impossible, madame. Vous ne savez pas l'importance que mon père attache à cela. Moi, je le sais bien, dit Josette, et c'est précisément pourquoi je trouve qu'il faut lui avouer la vérité. C'est ce que je vous ai dit à ce sujet il y a 3 mois, quand je me suis aperçu de ce changement. Mais avec ces préjugés, vous appelez ça des préjugés, vous? Enfin, là n'est pas la question. Ce qui est certain, c'est que le nom de votre père est à lui avant d'être à vous, et qu'il est tout naturel qu'on l'informe des transformations que subit ce nom. Mais ce n'est pas moi qui ai eu cette malencontreuse idée. Au ministère, on avait la rage d'écrire mon nom ainsi. « Il a bon dos, ce pauvre ministère, » dit en riant Josette. « Et mon Dieu, avouez donc tout simplement que vous avez fait ce que vous voyez faire constamment autour de vous. » « Mais je vous assure, où est le mal ? » « N'avons-nous pas tous connu M. et Mme Van der Straas, s'appelant Van der Straas, jusqu'au jour où un journal bienveillant rendit compte de la fête donnée par le comte et la comtesse Van der Straas. Le titre et l'orthographe leur sont restés. Autrefois, lorsque le roi donnait par mégarde un titre ou une particule à qui n'en avait pas, la qualification restait acquise. Aujourd'hui, un reporter remplit le même office. Les temps sont changés, mais le procédé elle-même. Vous exagérez un peu. Mais non. L'autre jour, je m'attendais à lire le compte-rendu de la fête du baron Ledru. Madame Har est devenue comtesse de Har de la même façon. Et nous donc, et les Jassy, et Sinaï, est-ce que vous croyez que c'est sérieux tous ces titres-là? L'oncle Jean entrait, brandissant une grande enveloppe de vélin transparent de laquelle pendait un ruban de moire scellé à la cire. M. Moret suivait en riant. « Tiens, » cria M. de Scaire, s'adressant à sa nièce, « devine ce que contient cette majestueuse missive qui est pour toi. » Comment veux-tu que je devine ça? Tu le sais, toi? Oui, dit triomphalement l'oncle Jean. Tu l'as ouverte? Inutile, j'ai reçu la même. C'est à n'y pas croire. Madame la comtesse de Har nous invite à assister à son baptême. Parrain et marraine, devine. Dieu, que tu es ennuyeux, répondit Josette, la main tendue vers la lettre. Parrain et marraine, l'ambassadeur de la République de Saint-Marin et la reine de Numidie. Et ça, c'est drôle. « Non, j'en rirai jusqu'à ma mort. »« Ah !» dit Josette en ouvrant l'enveloppe qu'elle tenait enfin. Elle s'est décidée à abjurer. « Parbleu ! » Dammartin s'était fourré ça dans la tête. « Du diable, si je sais pourquoi, par exemple. » C'est à la petite chapelle des Pères. Nous irons en bande. Tu y viendras, toi ? Ajouta l'oncle Jean, en retournant vers M. de Lalonde qui ne disait rien. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au baptême de Madame Har ? Répondit André d'un air profondément las. M. Morel lui lança un regard oblique, heureux de voir son attitude découragée. Le jour du baptême, à 9 heures du matin, André arrivait chez l'oncle Jean qui dormait à point fermé. S'éveillant en sursaut, il demanda tout ahuri : Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu as un nouveau duel ? Et il s'assit sur son lit, faisant un violent effort pour retrouver le fil de ses idées. « Mais non, je n'ai pas de duel, » répondit M. de Lalonde. « C'est ce matin que nous allons voir baptiser Madame Har. Seulement, je suis venu un peu tôt. Je ne dormais pas. Je suis tellement écœuré de tout. » « Et c'est pour me dire ça que tu viens m'éveiller à pareille heure ? Ah ça, tu es fou ! Je ne suis pas écœuré du tout, moi. Je dors à merveille. » Tu vas me donner un conseil. Plus tard. D'ailleurs, tu me demandes un conseil avec l'intention bien arrêtée de ne pas le suivre, n'est-ce pas ? Je connais ça. On m'offre Buenos Aires. J'ai envie de partir. Allons, bien. Voilà les papillons noirs qui reviennent. Non. Mais seulement, comme je te le disais tout à l'heure, j'éprouve un écœurement profond, un dégoût immense de ma vie inutile et sans but. Ah ? Buenos Aires serait le but utile. Je pense que le voyage me ferait du bien. Me secourait tout au moins. Oh, quant à ça. Tu ne plaisanterais pas si tu savais à quel point je m'ennuie, mon pauvre ami, et combien je me sens isolé. En voilà bien d'une autre. C'est la première fois que tu te plains de cet isolement. Et cependant, tu as toujours mené la même vie, ce me semble. C'est possible, mais je vieillis. Ce qu'on trouvait charmant à 30 ans paraît tout différent aux approches de la quarantaine. Ce n'est pas gai, va, un foyer toujours désert. Je puis difficilement être juge en la question. Je ne suis pas souvent au coin de mon âtre et, quand par hasard cela m'arrive, je n'y suis jamais seul. Tu permets que je me lève ? J'ai dit à Lagardy de venir nous chercher, et il faut que je sois prêt. Je reprends. Si j'éprouvais ce que tu éprouves, si je me sentais du vague à l'âme, des aspirations mal définies vers l'inconnu, une soif de bien-être, de vie domestique, enfin, tout ce que tu me dépeins d'une façon assez peu nette d'ailleurs, je me garderais d'aller à Buenos Aires. Pourquoi ? Parce que je me marierais tout simplement à Paris, ce qui serait beaucoup plus pratique. André secoua la tête. Me marier comme ça, tout de suite. Il resta songeur, regardant M. de Scaer aller et venir dans l'appartement. Se marier ? Il était fou, ce Jean. Se marier ? Où et quand et comment ? Sa sauvagerie l'avait empêché de se faire aucune relation. Il ne connaissait personne. Depuis 2 ou 3 mois seulement, il avait été dans le monde pour y rencontrer Mercedes au début de sa passion, pour l'y suivre ensuite. Mais dans quel monde ? Ce n'était certes pas là qu'il pouvait trouver une femme. À 11 heures, Lagardy arriva, accompagné de M. de Lafère. Ah ! S'écria l'oncle Jean, tu te décides à venir aussi ? Non, mais j'ai vu Lagardy qui entrait et je suis monté pour te dire bonjour. Je te croyais à Scaer. Je devais y aller, mais j'ai eu une veine. Paul a changé d'avis. Pour le moment, et d'ailleurs, l'élection est remise. Tiens, remarqua M. de Lafère en toisant l'oncle Jean. « Tu es déjà prêt ?»« Mais oui. »« Alors ? » ?»« C'est étonnant. »« C'est la faute d'André. Il est venu m'éveiller à l'aube, et depuis lors il est là, occupé à me chanter la ballade du célibataire qui se noie, si vous croyez que c'est amusant. »« Ah bah !» fit Lagardy. « Monsieur de Lalonde veut se marier. »« Ne croyez pas un mot des divagations de Jean, je vous en prie, » dit André. Mais l'oncle Jean se regimba. « Mes divagations ?» Tenez, je vous fais juge. Depuis 2 heures, il est là, parlant de foyer vide, d'existence inutile, d'écœurement. Comparant l'homme de 30 ans à l'homme de 40, me demande à brûle-pourpoint si je lui conseille d'aller à Buenos Aires. Ce chaos n'est-il pas le résultat du travail inconscient qui se fait en lui ? Moi, j'y vois des signes précurseurs de la monomanie du mariage. En effet, le cas est grave, dit Pierre en riant. « Eh bien, si cela est, répondit M. de Lalonde, c'est fâcheux pour moi. Je ne suis pas du tout en situation de me marier. Je ne suis pas dans le mouvement, moi. » « Il faut, s'écria tout à coup M. de Scaer, te faire présenter chez la tante de Jouan. Dans 2 mois, tu seras marié. » « Mais, dit André surpris, Madame de Jouan n'a aucune raison de s'intéresser à moi. Elle me connaît à peine et... Naïf, je ne te dis pas qu'elle s'intéressera à toi, mais ça ne l'empêchera pas de faire son métier. Et vous serez au contraire une précieuse recrue pour la maison, dit Lagardy. Les hommes y sont très rares, tandis qu'il y a encombrement de demoiselles que cette pauvre baronne ne parvient pas à caser. C'est qu'il suffit de 2 ou 3 stages un peu longs pour discréditer l'entreprise. « Comment ? » demanda André, saisi. « Est-ce que Madame de Jouan ?» Il s'arrêta, cherchant un mot qui exprima poliment sa pensée. Lagardy ne le laissa pas achever. « Madame de Jouan est, pour l'instant, ce que nous avons de plus chic en fait de marieuse. Rien des agences, mais affiliée à toutes. Elle appartient au vrai monde par son origine, ses alliances et son éducation, et grâce à une fortune dont quelques initiés seuls connaissent la source et soupçonnent l'importance, elle y tient convenablement son rang. Maison ouverte, table excellente, loge à l'opéra comique pour entrevue, respectabilité parfaite, pour tous ceux qui n'ayant pas eu à passer sous ses fourches codines, n'ont pas payé leur petit 10%. Ce pauvre André, dit l'oncle Jean, voyant la physionomie stupéfaite de M. de Lalonde. « Il avait joliment raison tout à l'heure de nous dire qu'il n'est pas dans le mouvement. »« C'est possible, » repartit André. « Mais pour rien au monde, je ne me marierai dans de pareilles conditions. »« D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu veux me persuader que je dois me marier. »« Si je rencontrais, sans la chercher, une femme qui me convient, je ferais peut-être la sottise de l'épouser. Mais une fille qui chasse au mari, jamais !» « Les jeunes filles qui vont chez Madame de Jouan ne chassent pas toutes au mari, » expliqua Lagardy. « Pour que son petit commerce lui donne des résultats fructueux, il suffit que l'une des 2 victimes soit dans le secret, c'est-à-dire ait contracté un bon petit engagement régulier. On voit chez la baronne des gens d'une honorabilité indiscutable qui vont et viennent dans ses salons comme des pantins sans se douter qu'une main droite fait mouvoir leur fil. On va là parce que la maison n'est pas mal cotée. On y reste parce que le milieu est agréable. Grâce à la diversité même des invités et aux mouvements gais qui produisent des intrigues ignorées de presque tous. Et vous pouvez être certain qu'on y rencontre, dans le tas, des jeunes filles parfaitement bien élevées et candides qu'on épouserait très volontiers. Dans tous les cas, dit l'oncle Jean, rien ne coûte de pénétrer dans l'antre. On ne te prendra pas de force. C'est vraiment un coin de la vie parisienne très curieux à étudier. Ça vous amuserait, reprit Lagardy. Et je vous le répète, vous verrez chez la baronne de Jouan beaucoup de gens, que vous connaissez probablement déjà, tout à fait inconscients du rôle qu'on leur fait jouer. Soit, dit André, j'irai, puisque Jean veut absolument m'y conduire. T'y conduire, jamais de la vie. Je ne mets pas les pieds chez la tante de Jouan, moi. Nous sommes en froid. Ça date de l'époque où Josette l'a fichu la porte à Scaer. Nous nous disons bonjour et bonsoir et c'est tout. Non, ce sera Lagardy qui te présentera. Avec grand plaisir, dit le journaliste. Et vous pouvez assurer, monsieur de Lalonde, que je n'ai d'intérêt d'aucun genre dans la maison. La baronne de Jouan ne me fait même pas, je crois, l'honneur de me reconnaître la moindre valeur commerciale. À ses yeux, un journaliste est un être sans sexe et sans argent, qui n'aurait aucun succès près de son élégante clientèle. Je vais régulièrement à ses samedis. Je valse avec de ravissantes jeunes filles et de fortes et moustillantes veuves. J'absorbe des rafraîchissements exquis et j'examine les types. Vous savez qu'il est 12:15, dit monsieur de l'affaire. Madame Hart va se convertir sans vous. Et moi qui tiens à voir le baptême de tout près en détail, s'écria l'oncle Jean en dégringolant rapidement l'escalier.